You can alternate. Je ne comprends. You can alternate if you want. This is good. Qu'est-ce qu'il dit? This is good too. Mais qu'est-ce qu'il dit? Use twice. Comprends rien ce que tu veux. Ce batteur de merde, on va le virer, tu vois. Big up à tous les batteurs. Thank you.

putain, iPad de merde. Et d'avoir le pouvoir. Thank you. Vamos lá. Liga, liga pra dona aqui. Try another.